ça laisse des traces. Où que t'ailles, c'est en toi, dans ton sang, à jamais dans ton cœur. D'où je viens, les parents bossent dur pour que leurs gosses fassent des études. Mais dès qu'ils tournent le dos, la rue prend le relais, les éduque. D'où je viens, y'a des gens remarquables au grand cœur. Des mômes qui pour certaines seront des flics, d'autres des braqueurs. D'où je viens, père, mère ont le visage marqué, de peur que le petit opère, arme au poing, visage masqué. On y fait toutes les fêtes, on y parle toutes les langues. C'est un miracle qui passe chaque jour une nouvelle guerre des gangs. D'où je viens, y'a beaucoup d'amour même si c'est la guerre. On y trouve tout et son contraire comme partout sur la terre. D'où je viens, y'a des croyants, des pratiquants, des simples habitants que toi les narcotrafiquants. Y'a aucune gloire à venir d'où je viens, mais j'en suis fier. J'ai connu mes frères, le bonheur, j'y ai souffert. Je sais pas où je vais, je sais d'où je viens. J'étais sincère quand j'ai dit, j'arrive la vie, j'oublierai d'où je viens. Chez moi, murs et visages ont pris de l'âge, plaies ont pris le large. C'est nique les limites, nique les manières, ce qui parle c'est la rage. On aime trop l'alias, les grammes de seum, la marque, la drague à la pequeño. On a tous un alias, tous le seum. Chez moi, c'est flambe, beau cul, grosse caisse, gros cul. Le jeune du l'ancien, l'ancien, la nouvelle recrue. On a tous les vices, toutes les armes, toutes les drogues, tous les accents, dédicaces, toute la ville, tous les âges, tous les absents. C'est plus Marseille d'autrefois, on compte plus sur nos droits. Un million dans la cité, plus de la moitié au-dessus des lois. Y'a plus de flingues, plus de crimes, plus de fric, plus de vols, plus de bises, plus de flics, plus d'anti-uniformes. Au bon vieux temps, y'avait pas toute cette merde. Et puis nique cette merde, si tu tiens pas le coup, quitte cette merde. Ici c'est la loi du talion, la loi du milieu. On veut le million, taillé à Milan, à Miami ou à milieu. C'est chez nous, c'est de là que tout est parti. C'est là qu'on a grandi, c'est là que sont nos racines. C'est chez nous. Tu peux dire qu'on a mangé, trouver qu'on a changé. Mais c'est là qu'on s'est forgé, c'est chez nous. Un monde à Paris, vivre ça marque. Le jour où tu le quittes, ça te manque. Parce que c'est chez nous, à jamais. Où qu'on aille, on se souvient. On sait pas où on va, mais au moins on sait d'où on vient. Tu sais petit, on s'interroge, on rêve, vit au jour le jour. J'ai grandi au milieu de la misère, la haine et l'amour. Autour de moi, y'a toujours eu des crapules et des gens bien. Le but c'était qu'on mette les nôtres à l'abri, si je me souviens. Car chez nous, c'est où tu coules, où tu souffres, où tu t'en sors. J'ai su encaisser les coups pour m'éloigner de ce décor. Y'a certaines conditions qu'un être humain ne peut accepter. C'est pas en laissant les siens dans la merde qu'on se fait respecter. Vaut mieux un frigo plein qu'un réservoir vide. La vie c'est de posséder un toit, pas de frimer dans un bolide. Comme j'avais rien d'un caïd, fallait que je m'en sorte au plus vite. Je préférais dealer ma zik que de la coque ou du shit. Ici-bas, les valeurs et les priorités des gens ont changé. J'ai pu me sortir de là, mais j'ai vu que ça allait déranger. J'avance et laisse derrière tout ce qui me jalouse et parle. Tout ce que j'ai vécu reste dans mon cœur et ça, où que je parte. C'est chez nous, c'est de là que tout est parti. C'est là qu'on a grandi, c'est là que sont nos racines. C'est chez nous. Tu peux dire qu'on a mangé, trouver qu'on a changé. Mais c'est là qu'on s'est forgé, c'est chez nous. Un monde à Paris, vivre ça marque. Le jour où tu le quittes, ça te manque. Parce que c'est chez nous, à jamais. Où qu'on aille, on se souvient. On sait pas où on va, mais au moins on sait d'où on vient. D'où je viens, c'est la ville, perdue au milieu de la campagne. D'où je viens, même les mémés aiment la castagne. Je viens du pays de Nougaro, Zepta, Image et Gold. Sale Sud, Wild West, Ranger les Colts. Je parle de chez nous, même si j'habite à Mars, Mino. Je viens de là où on se souvient de Beto Martico. Là où la police te laisse mourir, même si tu cries à l'aide. Est-ce que Bodhi se baisait avec Patrice Allaire? Je viens de là où le centre-ville est réservé aux gros salaires. De là où la ZF n'était pas une fausse alerte. 21 septembre 2001, on se souvient. Moi je parle de mon pays parce que je sais d'où je viens. T'interroges pas sur mon rôle ou la place du rap. Croise-moi à Esquirol ou la place du cap. Où je vais, j'en sais rien. Peut-être vers la chute ou la gloire. Mais je sais d'où je viens et toi aussi tu vas le savoir. C'est chez nous, c'est de là que tout est parti. C'est là qu'on a grandi, c'est là que sont nos racines. C'est chez nous. Tu peux dire qu'on a mangé, trouver qu'on a changé. Mais c'est là qu'on s'est forgé, c'est chez nous. Un monde à Paris, vivre sa marque. Le jour où tu le quittes, ça te manque. Parce que c'est chez nous, à jamais. Où qu'on aille, on se souvient. On sait pas où on va, mais au moins on sait d'où on vient. Ok, tu veux que moi je reviens et là on recommence. Tout y est. Qu'est-ce que ça peut te foutre d'où je suis, hein?